Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Ndiaso enu sofion o lawo enu ke ma don wa. Ndiaso enu sofion o lawo enu ke ma don wa. Prenez. Soe. Soe. Donnez-moi les lunettes. So chichi nam. So chichi nam. Mettez le crayon sur l'enveloppe. So nungloti daro enveloppe di. So nungloti daro enveloppe di. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Chon sinu kopua na so sizo nam. Chon sinu kopua na so sizo nam.